Vous êtes toujours sur les ondes de CHUO 89.1 FM. Vous écoutez l'émission Autour du bloc, la deuxième portion de cette émission qui traitera cette fois-ci du rôle de l'histoire et de la particularité du Collège universitaire dominicain dans la communauté d'Ottawa. Le Collège dominicain est héritier d'une grande tradition d'enseignement de la philosophie et de la théologie qui remonte au 13e siècle. Tout en restant très enraciné dans ses origines, c'est un collège qui se situe à l'avant-scène des grands courants de pensée philosophique et théologique. Des étudiants d'ici, de partout à travers le monde, y entrent pour vivre une expérience d'études qui est unique, que ce soit au baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat. Les formations reconnues pour leur rigueur leur permettent ainsi d'évoluer dans leur carrière, mais aussi de se développer en tant que personne. On discute donc aujourd'hui de cette institution postsecondaire quelque peu méconnue, voire marginale, au sein de la ville d'Ottawa, avec Joël Madar, qui est professeur au Collège dominicain en philosophie continentale contemporaine. Bonjour, M. Madar. Bonjour, François. Je vois que vous avez lu nos livrets. J'ai employé le terme marginal ici, mais pas au sens péjoratif. C'est plutôt parce que le Collège est très spécialisé et très peu connu auprès des jeunes étudiants qui souhaitent passer aux études postsecondaires, non? Ouais, donc marginal peut-être pour ces deux raisons, marginal aussi par les objectifs qu'il s'est donné, par l'éducation qu'il offre à ses étudiants. Bon, marginal, mais pas au sens péjoratif. Marginal en sens où il correspond peut-être pas au modèle qui est devenu maintenant traditionnel qu'on peut se faire des institutions postsecondaires. On aura l'occasion d'en parler, mais est-ce que c'est principalement la population étudiante que vous ciblez, les jeunes qui sortent des écoles secondaires et qui veulent étudier la philosophie, la théologie, la pastorale ou l'histoire? Bon, c'est-à-dire le collège, d'abord, précisons, le collège offre trois programmes, c'est philosophie, théologie et l'Institut de pastorale qui, lui, est situé à Montréal. Oui. Est-ce que nous ciblons les étudiants qui sortent des écoles secondaires et des cégeps? Bien sûr que oui, en majorité, c'est sûr, mais nous offrons aussi des cours où nos programmes s'adressent aussi aux étudiants plus âgés qui souhaitent se recycler, se redécouvrir. Bon, comme toutes les universités, d'ailleurs, c'est une clientèle qui est de plus en plus prisée par les universités. Petite fenêtre ouverte sur le passé maintenant, c'est en 1900 que les Dominicains vont s'installer à Ottawa, vont installer leurs premiers étudiants en fait en théologie. En 1902, les étudiants en philosophie se joignent au groupe. Donc c'est un établissement qui remonte ici à plus ou moins un siècle. Mais l'ordre des Dominicains, aussi connu sous l'ordre des pêcheurs, proprement parlé, naît au début du 13e siècle en Europe pour se répandre dans toute la chrétienté et former plusieurs maisons en Europe, à commencer par la France. Donc, c'est une très longue tradition. C'est vrai, mais c'est pas l'ordre des pêcheurs, c'est l'ordre des prêcheurs. Des prêcheurs. J'ai dit pêcheurs, oui, prêcheurs, pardon. Nous sommes tous pêcheurs, j'imagine, mais les Dominicains, ce sont l'ordre des prêcheurs, donc qui vraiment sont... se dévoue surtout à prêcher ce qu'on peut appeler la bonne nouvelle, c'est-à-dire ce qu'on retrouve à l'intérieur des Écritures saintes, et puis le message du Christ, et ainsi de suite. Et c'est vrai, pardon, c'est au début des années 1215, je pense, que 1903 reconnaît la communauté dominicaine. Ils resteront, les Dominicains, très près du pape tout au long de leur histoire, encore aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Et très rapidement, les Dominicains vont s'impliquer dans les milieux universitaires. Thomas d'Aquin, par exemple, oui, qui est peut-être sans doute le plus grand, en tout cas le plus connu des Dominicains, enseignait à l'Université de Paris. Et toute la scolastique qui a formé l'Europe pendant des siècles, c'était la doctrine enseignée, philosophique de l'Église. Finalement. Tout à fait. C'est ça. Ben, vous savez, s'en détacher, hein. Thomas d'Aquin avait un enseignement, vous parliez de marginal, Thomas d'Aquin avait un enseignement plutôt révolutionnaire pour l'époque. Mm-hmm. On savait s'en détacher, c'est l'histoire d'une grande synthèse. Thomas d'Aquin a osé essayer de christianiser Aristote, un philosophe païen. Oui. Mais de son vivant, il n'a pas connu non plus le rayonnement qu'il connaîtra beaucoup plus tard. Je crois. Non, comme plusieurs philosophes, comme c'est ce qu'on voit. Ouais, on peut penser à Nietzsche, Kant, ça a pris des décennies avant de le comprendre, même si vers la fin de sa vie, Alors, comme plusieurs philosophes, c'est pas comme un grand athlète ou de la musique, hein. Un philosophe, on le reconnaît bien souvent après coup, parce que ça prend beaucoup de temps avant de méditer, avant de bien réfléchir sur sa pensée, alors que la musique, très souvent, sur le coup, ça peut choquer, mais justement, ça frappe. A priori, ça frappe, ça nous saisit. Une bonne performance éblouissante d'un joueur d'hockey, même chose. Mais la philosophie, ça prend beaucoup plus de temps avant d'assimiler tout ça. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, on rayonne après coup, là. Quand les Dominicains s'installent ici, bon, il y a aussi les Oblats qui ont fondé l'Université d'Ottawa depuis près d'un demi-siècle. Il y a les Sœurs Grises aussi qui œuvrent dans le milieu de l'éducation. Comment est-ce que les Dominicains se positionnent ou comment est-ce qu'on pourrait qualifier leur héritage dans la région ici? Bon, et je connais pas tous les détails de cette histoire, n'étant pas moi-même Dominicain. Mais c'est curieux que vous en parliez, hein. Bon, moi, je suis de la région d'Ottawa. Moi, j'ai fait le Juvénat Sacré-Cœur à Cornwall. Mon père a fait le séminaire de Papineauville. Bref, tout ceci pour dire que j'étais vraiment là prédestiné. En plus, je m'intéressais à la philosophie. J'étais vraiment prédestiné au Collège dominicain. Et pourtant, j'en connaissais même pas l'existence. Ça, vous l'avez soulevé au début. C'est un collège qui est très méconnu de la population. S'il est méconnu de la population, c'est qu'il a l'Université d'Ottawa, ça n'a pas été seulement un séminaire, c'était une école normale, par les Oblats, une école normale, donc, qui voulait desservir les laïcs comme les futurs prêtres. C'était pas le cas chez les Dominicains. Jusqu'à très, très tard, les années 60, 70, c'était un séminaire qui formait les prochains prêtres dominicains. Et ce n'est que tout récemment qu'on a ouvert le collège d'abord aux laïcs et ensuite, encore plus tard, aux anglophones. À la fin des années 90. À la fin des années 80, ouais. C'est ça, on l'a ouvert aux anglophones. Donc, vraiment sur le tard. Et en plus, le collège est situé au coin des rues Empress et Somerset. C'était à l'époque, là je parle au début, bon, les années 1900, c'est les plaines de Breton. Je sais pas si vous voyez, oui, Ottawa, tout près de la rivière des Outaouais. Mm-hmm. C'était donc un quartier qui était à l'époque très, très, très francophone, mais des francophones qui ont été expropriés par la province et par la municipalité pour faire place à un grand projet d'aménagement, je ne sais trop quoi, qui n'a jamais eu lieu de toute façon. Et donc, une communauté francophone qui s'est vidée de ses francophones. Alors, un collège religieux dans une époque qui l'est de moins en moins et dans une communauté francophone qui ne l'est plus du tout, c'est l'une des raisons qui pourrait expliquer un peu son anonymat dans la communauté. L'Ordre des Dominicains aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en termes d'effectifs dans le monde et dans la province du Canada, ce qu'ils nomment la province du Canada? La province du Canada, je suis pas certain. Dans le monde, c'est entre 6 et 7 000 Dominicains. Donc, c'est sûr que ça a décliné au fil des dernières années. Mais là, on atteint le bas de la cloche, là. C'est-à-dire que la diminution très importante des effectifs religieux que toutes les communautés ont connu, elle est terminée. Et puis, on se maintient depuis quelques années déjà à ce niveau-là. Il y a presque aucun novice, aucune recrue à l'intérieur du Québec ou du Canada francophone. On connaît l'anticléricalisme un peu qui est devenu de plus en plus viscéral des Québécois, mais au Canada anglais, par exemple, il y a des recrues. Il y en a trois d'ailleurs qui étudient au collège en ce moment, et bien sûr à travers le monde, là où sont implantés les Dominicains, il y a une relève soutenue, je dirais. On passe maintenant au thème de l'éducation dans la communauté. On l'a mentionné, le Collège dominicain offre une formation ancrée dans une certaine tradition, une tradition bien à elle, très différente d'une université comme l'Université d'Ottawa ou l'Université Carleton, qui sont caractérisées plus par leur faculté, disons, professionnelle. Comment est-ce que vous qualifiez la différence en matière d'éducation entre les deux? Bon, ça, c'est une question difficile. Je serais tenté de dire que le Collège dominicain offre une éducation classique, mais je veux faire attention parce que je veux pas que vous pensiez qu'on s'intéresse seulement à Thomas d'Aquin et que la philosophie s'arrête avec lui. Alors, il y a deux erreurs qu'on peut faire en philosophie. Penser que ça s'arrête avec Aristote et Thomas d'Aquin ou penser que ça commence avec Deleuze en 1984, bon, pour une raison qui m'échappe. Alors, au Collège dominicain, nous sommes soucieux d'offrir une formation qui est classique, mais justement, si nous l'offrons, c'est pour mieux s'ouvrir au courant contemporain, mieux comprendre donc la société qui se déploie sous nos yeux et qui, à bien des égards, nous échappe. Et en ce sens-là, on offre des cours, par exemple, vraiment une formation axée sur l'histoire de la philosophie. Donc, Platon, Aristote, Thomas d'Aquin, ensuite les grands modernes, Kant, Hegel, Merleau-Ponty, Spinoza. Et on finit en s'intéressant aux auteurs plus contemporains. Donc, ça pourrait être Deleuze, Derrida, j'ai enseigné Lévinas et Heidegger, par exemple. Et puis, nous offrons aussi des cours de langue et nous créditons ces cours-là. Donc, les cours de grec classique, le koiné grec, le latin, l'allemand, ce sont des cours qui sont non seulement offerts au collège par de grands linguistes, ils sont également crédités. ce qui est normalement inédit. Hein? C'est pas quelque chose qu'on, c'est pas une pratique qu'on retrouve dans les universités. Ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est que dans une université comme l'Université d'Ottawa ou même peut-être Carleton, la formation en philosophie obligatoire, si je puis dire, pour tous les étudiants, elle est pauvre, elle est faible. Le collège dominicain semble plutôt être une alternative pour les gens qui veulent vraiment pousser les études en philosophie. En d'autres termes, est-ce qu'on enseigne, à votre avis, assez la philosophie dans les institutions postsecondaires comme l'Université d'Ottawa, Carleton, j'allais dire l'Université Saint-Paul, mais non, c'est pas pertinent dans ce cas-ci. Ben, l'Université Saint-Paul a un programme de philosophie aussi. Oui, c'est ça, aussi. Exactement, oui. Entre autres, un programme de théologie, bien sûr. C'est pas seulement, est-ce qu'on enseigne assez la philosophie à l'Université d'Ottawa? Ben, ils ont une faculté qui est plus grosse que celle qu'on retrouve au Collège dominicain. Donc, il y a beaucoup de cours de philosophie à faire à l'Université d'Ottawa, comme à Carleton, presque aucun, je crois, à l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais. Mais qu'est-ce qu'on enseigne comme philosophie? Et surtout, je pense que ce qui distingue le collège, quel contexte? Quand on parle du collège universitaire dominicain, ben c'est justement ça, un collège universitaire qui a sa chaire, qui est reconnu, qui offre bac, maîtrise, doctorat, qui sont tous reconnus par le ministère et la province. Mais l'environnement d'enseignement du collège est tout à fait différent de ce qu'on peut retrouver ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est plus monastique, par exemple. Mm-hmm. C'est plus intime. Ce sont de petites classes. Nous enseignons à 10 ou 15 étudiants. Très souvent, d'ailleurs, 5 étudiants. 5, 10, 15, ce ne sont pas des classes dans des amphithéâtres avec 150, 200 étudiants. Donc, ce sont des classes qui sont bien plus petites, beaucoup plus intimes. Et à ce moment-là, on peut mieux communiquer la matière avec les étudiants. Le suivi, il est bien mieux assuré, il est plus rigoureux à mon avis aussi. C'est vraiment un environnement, au sens propre du terme, un environnement collégial qu'on trouve au collège. Donc, le rapport au professeur et le rapport aux autres étudiants, il est tout différent. C'est également, bon, quelle est la nature de l'université? Moi, j'ai fait mes études de bac et de maîtrise à l'Université d'Ottawa. J'ai joui d'une grande éducation. J'ai eu la chance de côtoyer de grands professeurs, à mon avis, qui enseignent toujours, d'ailleurs, ici. Mais vraiment, c'est une université qui s'est profondément transformée au cours des dernières années. Elle veut former des étudiants pour le monde du travail. Je pense que c'est le mandat qu'elle s'est donné. Et c'est tant mieux. Et il faut effectivement former les étudiants, former les jeunes hommes, les jeunes femmes pour le milieu du travail. C'est très important, on le sait tous. Mais c'est pas la mission première du collège. C'est la conséquence de son enseignement. Nous, effectivement, nous les formons, mais c'est pas sa mission première. Hein? La mission première du collège, c'est vraiment de former les esprits. On va étudier au Collège universitaire dominicain pour apprendre à penser. Ensuite, vous aurez la culture, l'initiative, l'esprit critique nécessaire pour faire face à n'importe quel défi dans le monde du travail. Ensuite, vous pourrez réparer vos ordinateurs ou je sais pas. Il existe aujourd'hui toute une littérature sur ce sujet-là. Si je puis dire que bon, les chercheurs comme Aline Giroux ou encore Michel Freitag de l'UQAM, pour ne nommer que ceux-là, là, vont approfondir dans leurs travaux académiques. Ils traduisent donc un espèce de sentiment partagé par plusieurs professeurs qui est un peu la perte de confiance en l'université ou envers son mandat. Les plus cyniques vont même en décréter sa tragique fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ben c'est des ça débats, rejoint un peu ce que vous dites, et c'est pas seulement contemporain. Hein? Bon, on a écrit The Idea of a University, mm-hmm. un livre anglais dans les années 1800 qui s'opposait à la nouvelle philosophie de l'éducation de John Locke. Vous vous rendez compte, John Locke? Écoutez, on parle de 300 ans passés à peu près. Alors, en tout cas, 250. Donc, c'est une préoccupation grandissante, mais une préoccupation enracinée depuis déjà un bout de temps. C'est quoi l'objectif de l'université? Qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on vient étudier à l'université? C'était l'un des objectifs, c'était de transmettre un savoir. Il y avait un héritage philosophique, un héritage de connaissances culturelles, pas seulement philosophique, mais un héritage de connaissances que l'on voulait, faire passer d'une génération à l'autre. Et il y avait aussi toute cette idée de se confronter à de grands penseurs qui avaient, bon, passez-moi le mauvais français, de grands penseurs qui avaient pensé des problèmes, des questions humaines, des réflexions, des angoisses existentielles, qui avaient pensé ces dernières mieux que nous, en tout cas de façon très éclairante, en tout cas, et de se mesurer à plus grand que nous. C'était un des objectifs de l'université. Et puis, c'est une mission qui s'effrite. On a vraiment l'impression que le centre du savoir, le centre de la connaissance, c'est l'individu, que c'est une fleur qui poussera d'elle-même, il suffit de l'arroser un peu, etc. Alors, on a évacué un peu la dimension de rigueur, la dimension de travail, la dimension héritage. Et le rapport professeur-élève qui est un peu rapport maître-apprenti. Qui était dans le cadre humaniste, qui est celui du Collège universitaire dominicain, qui est celui des séminaires classiques. Et bon, on en retrouvait plusieurs au Québec, bien sûr, à l'époque. Il n'y a pas si longtemps, hein, jusqu'aux années 60. C'est vraiment le rapport maître-étudiant. C'est-à-dire le maître qui arrive, maître, mais au bon sens du terme, le magistère, celui qui connaît, celui qui s'amène devant les étudiants, qui en connaît plus qu'eux et qui leur transmet cette matière-là, sous forme d'un cours magistral, bien souvent, très traditionnel, et l'étudiant assimile ces connaissances-là. Donc l'idée de se mesurer à plus grand que soi. Ouais, ben voilà. Mais là, il faut faire attention. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait retourner à François Villon dans le quartier latin des années 1450. Et c'est pas du tout ce qui se produit au Collège universitaire dominicain. On a bien compris, et ça, la pédagogie moderne nous a éclairé là-dessus. On a bien compris que il faut rendre ça, intéressant, stimulant, que ça prend un rapport avec l'étudiant qui est plus intime, moins autoritaire, bon. Mais que ce soit intéressant, ça devrait jamais, jamais être l'inquiétude première. Rendre ça intéressant, je suis désolé, mais quand on commence à jouer au hockey, moi je joue au hockey, j'aime bien ça, je trouve ça intéressant, mais quand on commence à jouer au hockey, on apprend d'abord à patiner, on commence par faire des exercices qui sont moins intéressants. Et c'est un peu la même chose avec la connaissance. L'intérêt, c'est quelque chose qui se développe. Apprendre, autrement dit, c'est pénible. Apprendre, c'est se cultiver. Mais quand on cultive la terre, comme on cultive l'esprit, il faut labourer, il faut ensemencer, il faut engraisser, il faut... Donc, toutes sortes d'exercices qui sont, et pour celui qui le fait, et pour celui qui le reçoit, pénibles, difficiles. Il faut accepter qu'il y a une dimension rigoureuse et, je le répète, pénible dans l'exercice d'apprendre. Et que c'est à travers ces exercices-là, finalement, qu'on pourra s'épanouir d'un point de vue intellectuel et spirituel. Donc, le rôle du Collège dominicain dans la communauté, est-ce qu'on pourrait le voir un peu comme une institution de résistance, une institution du savoir qui résiste au changement? Ben, tout à fait. Moi, j'aime bien le voir comme ça. Oui. Donc, je ne dirais pas que ça résiste au changement, mais ça résiste, mais pas n'importe quel changement. C'est ça, exactement. On le voit bien, il y a de grands professeurs au Collège, qui sont d'un certain âge, qui enseignent Merleau-Ponty, qui enseignent Bergson, c'est pas Thomas d'Aquin, hein, ils sont pas thomistes. Alors on ne résiste pas du tout au changement. On enseigne Spinoza, on s'intéresse beaucoup à Nietzsche. D'ailleurs, la théologie s'intéresse beaucoup à Nietzsche, à partir de Karl Barth et bon après. On s'intéresse beaucoup au changement, mais pas n'importe quel changement. Il faut que ça se fasse. Il ne faut pas perdre de vue ces auteurs qui ont permis de produire le changement, justement. Et c'est à eux qu'on s'intéresse. Parlons de religion maintenant, en terminant. C'est un aspect important parce que le collège porte une tradition chrétienne, malgré qu'il offre aussi des grades civils, on l'a mentionné. Est-ce que vous avez une forte proportion d'étudiants qui pratiquent une religion au collège dominicain ou qui s'y rendent pour approfondir, finalement, l'intelligence de leur foi chrétienne? Bon, d'abord, le Collège dominicain, universitaire dominicain, c'est une institution laïque. Mm-hmm. Les grades qu'ils offrent, ils sont civils, comme vous l'avez mentionné, et les diplômes sont reconnus par les institutions de la province et du pays. Bon. Mais de toute évidence, on donne nos classes dans un monastère. Puis à côté, rattaché à ce monastère-là, juste à côté de la bibliothèque, c'est l'église. L'église Saint-Jean-Baptiste, qui est une magnifique église par ailleurs. Dans le corps professoral, il y a des dominicains qui enseignent, et dans la classe, il y a des dominicains, ou en tout cas des novices dominicains, donc ceux qui deviendront éventuellement prêtres dominicains s'ils suivent la formation. C'est une formation de 7 ans à l'université quand même. Normalement, ils exigent un doctorat, c'est beaucoup. Donc évidemment, on côtoie ce milieu-là, on côtoie beaucoup les dominicains, et moi je dis que c'est tant mieux, hein, parce qu'on se mesure à leur tradition, on fréquente leur tradition, et ils ont beaucoup à nous enseigner. Le problème, bon, dans le milieu anglophone, ça ne semble pas trop les déranger. Au contraire, je dirais que c'est un attrait. Le Collège universitaire dominicain se présente de plus en plus comme étant ce qu'on appelle dans le milieu américain un Liberal Arts College. Oui. Le Liberal Arts College, c'est on offre une formation classique, philosophie, théologie, histoire, théâtre, littérature, et ainsi de suite. Il nous manque histoire et littérature au collège, mais ça s'en vient, on ose croire. Et dans le Liberal Arts College, aux États-Unis, vous remarquez que ce sont souvent d'anciennes institutions dominicaines, comme Providence College à Rhode Island. Les Jésuites en ont plusieurs aussi. Loyola, Notre-Dame, qui n'est plus Liberal Arts, ça, c'est beaucoup plus maintenant. Mais aux États-Unis, dans le monde anglo-américain, ça dérange beaucoup moins. Mais dans le monde québécois, ça dérange beaucoup. On connaît notre passé, on a une allergie pour la religion. Vous pensez carrément que c'est dû à ça, finalement, à notre passé, que c'est notre présent qui s'est un peu construit contre la religion, qui fait en sorte qu'on n'a pas ce genre d'institution-là au Québec, même en France aussi. On ne retrouve presque pas d'école des arts libérales. Mais c'est vrai. Il n'y a pas que ça, mais c'est certainement l'une des raisons principales, à mon avis, en tout cas. Il y a aussi le fait que nous avions au Québec les séminaires. Eux, c'était vraiment les Liberal Arts College, au sens très rigoureux du terme. Et les séminaires qui ont permis, moi, je pense, de former la génération précédente, qui ont connu une mobilité sociale inédite dans l'histoire de l'Occident. Hein. Alors, je pense que nous avions ces séminaires-là, mais qui ont à peu près complètement disparu, qui ont été remplacés par les cégeps. Et c'est une institution que le cégep a eu beaucoup de bonnes idées, qui semblent se traiter bon gré mal gré, là. Mais on les a éradiqués de la carte, ça c'est vrai, les Liberal Arts College. Mm-hmm. Et c'est une tradition qu'on ne connaît pas. Il y a comme une césure, si vous voulez, si bien que les institutions religieuses sont cette idée d'un Liberal Arts College est complètement méconnue et un peu, on y résiste d'avance. C'est dommage parce que ce sont des cursus tellement intéressants. Moi, j'ai découvert parce que je sais qu'il y a un collège à Concordia, à Montréal. Mm-hmm. Harvard a aussi son école de Liberal Arts. Mais c'est des formations extraordinaires qu'on ne valorise pas au Québec. C'est vrai. Qu'on ne transmet pas, peut-être. Je pense qu'on le valorise encore. Mais je pense que, il y a un moment donné, il va falloir se réconcilier avec son passé et comprendre que peut-être ne pas nécessairement jeter le bébé avec l'eau du bain. Les abus qu'il y a eu au Québec par l'Église catholique et les communautés satellitaires, là, de cette Église-là, ils sont évidents, ils sont indéniables. Mais il faudra cicatriser ses plaies et reconnaître que si la langue française et la culture française au Québec ont survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est bien un peu, faudra bien l'admettre, grâce à ces institutions-là, et grâce même au bagage intellectuel qui était distribué, qui était fourni par la religion catholique et ses institutions d'enseignement, les séminaires. Et ça serait intéressant qu'on puisse... Et je pense qu'il y a un désir d'y retourner. Regardez comment on s'intéresse au Québec aux écoles catholiques, mm-hmm. qui souvent oui. ont une tradition religieuse. Par exemple, le collège Saint-Alexandre en Outaouais. Alors, on s'y intéresse, mais on y résiste encore. Il faudra penser ses plaies pour penser autrement. Bon, voilà un bon slogan publicitaire. Mais il faudra vraiment peut-être apprendre à se réconcilier avec son passé. En histoire, on commence déjà à le faire. D'ailleurs, il y a cette nouvelle vague d'historiens et de sociologues aussi. Warren Meunier. Martin Meunier, mes bons amis. Aussi, et Martin Meunier, qui est un grand ami du collège, qui va donner un cours justement sociologie des religions au collège en janvier prochain. Mm-hmm. Alors, ce sont des gens qui ont bien compris et nous ont bien fait comprendre à notre tour que nous sommes héritiers de ce passé-là et que ce serait une erreur de vouloir le noircir. Joël Mador, professeur de philosophie au Collège dominicain et aussi chargé de cours à l'Université d'Ottawa. Chargé de cours à l'Université d'Ottawa aussi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie, François. À la prochaine, au revoir. Au revoir.